بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس السادس عشر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. الان درس جديد، الدرس السابع من الكتاب من الوحده السادسه. كي سوال سيشملسون وهذا يتعلق بشيء من ترجمة خديجة بنت خليد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها كما هو معروف هي أم كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم. Elle était la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis Ibrahim. Ibrahim, lui, était le fils de qui ? Maria al-Qabtiyya, qui était l'une des servantes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à tous les autres, ses autres enfants, tous étaient Khadija. Maria Kaptiya. وفضائل خديجة لا تحصى. يعني خديجة رضي الله عنها من المبشرين بالجنة. Khadija est parmi ceux qui ont été à qui Jannah a été annoncé. Yamin al Jannah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il hadith, comme a akhraj l'imam Ahmed, an Abdillah ibn Ja'far ibn Abi Talib, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an ubashira Khadija bi bayt min kasabin لا دخل فيه ولا نصب. يعني qui dit qu'il m'a été ordonné d'annoncer à Khadija qu'elle aura une maison de joyaux au paradis, hein, dénué de tout vacarme, tout cri et de toute fatigue. وحسن هو هذا الحديث الإمام الواديعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح. وكما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة لا نعين بالجنة إلى من جاء به النص. كون أنونس بيرسون لو بارادي سي سنى كيكان كي أوريو أن تكست، لكن نقول أن الصحابة كلهم في الجنة، لكن بعضهم عينوا بالنص. سارتان أوتي سبيسيفي بار دي تكست مثل عشرة المباشرين بالجنة والخلفاء الراشدين أفنهم من العشرة وغيرهم. نعم. وأيضا من فضائل خديجة كما رأوا الإمام أحمد كذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه خط أربع خطوط، ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا لا. قال أفضل نساء الجنة أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم. وكذلك صح هذا الحديث الإمام الواديعي رحمه الله تعالى، كل النبي صلى الله عليه وسلم quatre traits et il aurait dit aux sahaba: savez-vous pourquoi j'ai fait ces traits, ces lignes? Ils ont dit non. Il dit les meilleures des femmes du paradis sont quatre. D'accord, elles sont quatre. Il a dit Maryam bint Imran, et Maryam Oum Issa alayhi salam, wa Khadija bint Khuwaylid, sa femme, آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون حفظ فرعون طيب وفاطمة صفي حتى إذن جاء في حديث أن ثلاثة من النساء بلغوا كمل في الدين في دينهن يعني كمل كثير من الرجال وما كمل من النساء إلى ثلاث دي que beaucoup d'hommes ont atteint la perfection dans leur religion beaucoup et parmi les femmes trois وهذه ذكر هذه ثلاث إلا إلا فاطمة في الحديث ذكر خديجة وذكر آسيا وذكر مريم نعم وأيضا من خصائص هذه المرأة العظيمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة هي أول من آمن به حينما نزل عليه الوحي على سكوري ستوني depuis le début elle est avec lui car depuis son début elle est avec lui نعم وقيل انه تزوجها وهي اكبر منه سنا qui s'est mariée avec elle elle fut sa première femme et qu'elle était plus âgée que lui seulement Cheikh Yahya dit il n'y a pas de texte qui stipule qu'elle avait tel ou tel âge parce que des gens disent qu'elle avait 45 ans ou je ne sais combien qu'il y avait 20 ans de différence entre les deux et il n'y a pas de texte qui stipule cela on sait qu'elle était plus âgée que lui mais on ne sait pas de combien il n'y a pas de texte authentique d'accord pas de texte authentique ou le kalam fi Khadija bima la yaliku biha ou min manzilatiha l'innaha sahabiyya jalila min akbar sahaba يعتبر طعنا le fait de parler sur elle, de la critiquer d'accord cela est une diffamation envers sa personne vous voyez comme cela est arrivé de certaines personnes essayant de d'attribuer une parole à Aïcha qu'elle aurait dit sous l'effet de la jalousie et ayant affirmé cette parole-là, que Khadija, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle alors qu'elle n'avait pas de temps. Sœur de Kalem, il a dit le fait d'affirmer une chose qui n'a pas eu lieu. Et ça, c'est un temps sur elle. C'est un temps sur elle. Et ça, c'est une chose. Le temps fils sahaba, vous voyez, le temps fils sahaba, une akbar kebaïr. وهذا يرجع للدين ستوش على غوليجون قد يحصل خطأ من إنسان مثلا يتكلم بكلام ثم تحصل زلة بكلامه يفعل كمسا وأبنو طمان يصير في نغاف إذا نبها تاب وتراجع خلاص tu lui fais la remarque de ce qu'il a dit que les sahaba on ne parle d'eux que de la meilleure des façons d'accord car ils sont les meilleurs les hommes après les Anbiya. Car les Anbiya, ils sont les meilleurs hommes. Ils ont été gratifiés par le fait d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des créatures dans l'absolu. Ils sont autour de lui. Allah n'a pas choisi n'importe qui pour être autour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi le meilleur des hommes. Vous voyez, comme il y a un hadith, « Allah tala ala kulub al-sahaba wa annahum khayr al-nas » que Allah il a vu dans le cas des sahaba, il a vu qu'ils étaient les meilleurs des hommes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayr al-nas korni, les meilleurs des gens, ceux de mon siècle. Thumma al-lazina yilounahum, ensuite ceux qui viennent d'après. Thumma al-lazina yilounahum, ensuite ceux qui viennent d'après. C'est-à-dire les tabi'i ou tabi'i ou tabi'i. Mais les meilleurs sont les sahaba. بلا شك ولا ريب وقد أثنى الله تعالى في كتابه عليهم لك الله في الله يرجع صليف سواء كان من المهاجرين والأنصار طيب فالمهاجرين والأنصار نعم طيب فذاك النص عبارة عن ترجمة مختصرة من خديجة رضي الله عنها وما حصل منها من نصر النبي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي فالعنوان هو السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نأخذ الكلمات الجديدة. نشأ ينشأ. هذا معنى عشان نشأ في grandir. Évolue ou grandir. On dit grandir, par exemple, grandir en âge. Sariyun ou sarayyatun. Ça, c'est aisé, riche. D'accord ? Tasarrufun. Tasarrufun, bimana ouna, un comportement. Tafarraga et tafarragu. C'est se consacrer quelque chose. Elle nous voit, c'est la prophétie. Rabiha yarbahu ribh. Ça c'est tirer bénéfice de quelque chose. Café de tigeur. Réussir. Hein? Razana. Hada bimana. Al-jid. Le sérieux. Razana ou Rizana? Rizana. Non. Rizana. Ahsant. C'est une kasr. Rizana. Mana. Al-jid. Le sérieux. Abathun, ça c'est frivolité, chose futile, qui n'ont pas de sens. Sibien, c'est le djem de Sobi. Sobi, c'est le petit, l'enfant. Lahu, ça c'est distraction. D'accord, distraction. Shubban, ada, jam, sheb. Tu peux dire shabab, tu peux dire shubban. Hulm, mana ruya, rêve. Zu'ama, ou, c'est le jam de za'im, ce sont les chefs. Un za'im, c'est un chef. Un meneur. Asriya'u, c'est le jam de Sariyun, c'est les riches. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis avec l'autre au-dessus. Hatafa yahtifu, ça c'est appeler ou s'exprimer d'une voix haute. Khotwa, ah, c'est des pas. Khotwa, c'est un pas. Ihtimal, bimana tahammul, c'est le fait de supporter, endurer. Là, attends. L'ahfatun, ça c'est on l'avait pris malhouf. C'est quoi le malhouf? J'ai trop le regret. Malhouf, on l'avait pris malhouf. L'affligé, le mazloum. Mana fiction, kadhalik. Tristesse également. Tahammul, yani min ihtimal. C'est le fait d'endurer, supporter quelque chose. Hananun, ça c'est de bimana yani shafaqa ou al-ataf, il y a une tendresse, affection. Shamila yashmalu, mana jama'a, regrouper des choses. Englobé. Taraddada yataraddadu, Ça, c'est hésiter. Ça, c'est hésiter. Intalaqa yantaliqu, c'est partir. Ana zahaba. Sahir wa sahira, c'est vient du verbe sahara, c'est ism fa'il qui veut dire veiller. Veiller. Tawalu al-layl, مثلاً, c'est le long de quelque chose. Ça t'écoute. Ana sahartu tawal al-layl, j'ai veillé le long de la nuit. Tout le long de la nuit. Dhallala yudhallilu, c'est ombragé. Cas de nombre. D'ailleurs, un parapluie, on appelle ça un mudhallil parce que aussi il protège le soleil. Ils appellent ça un mudhallil. Jahada yujahidu, c'est s'efforcer. Marouf. Ça peut aussi combattre. Ça dépend du sens de la phrase. Moussaddikun, moussaddikatun, c'est quelqu'un qui croit. Ou qui confirme. Qui confirme. Kazalik. Qui appuie. Muhibbun, ou muhibbatun, c'est celui qui aime. Aslama yuslimu, ay aslama ruh. À la base, aslama serait entre en islam, se soumettre. Minhuna, muslim, c'est l'isme fa'il de aslama. Et là, le sens qu'on dit aslama ruh, ça veut dire le fait de décéder, de rendre l'âme, en fait. D'accord ? Rendre l'âme. Naam. Alain sanakra, el nas. يقول نشأت السيدة خديجة بنت خويلد في بيت ثري que خديجة à la base سيد souvent se traduit comme étant un maître, un chef. D'accord. والسيد بني آدم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيد السيد من أسماء الله كذلك. Et en cela, il ne s'utilise pas à part pour des gens particuliers. Ça donne c'est d'Abd Malik, tu peux le jeter contre le mur direct. Lui, hein, lui, il ne mérite pas ce lapin. Abadan. Lui, il est plus bas que ça. Lui. Donc il dit que Khadija a grandi dans une bint Khuwaylid. Dans une maison aisée, riche, vous voyez, à l'aise. Wa kanat mahboubatan min abawayha, et qu'elle est très aimée de ses parents. Quand on dit abawayha, el abawan, c'est le el oum el ab. C'est le moussana de ab, d'accord ? Et l'emploi pour la mère et le père. Izaka'iha wa husn tasarrufiha, pour son intelligence et son bon comportement, sa bonne attitude. Mata zoujoua wa tafarragat li tijaratiha. Donc son mari est mort, son mari, donc elle se consacra à son commerce. Farabihat kathiran. Elle en tira beaucoup de bénéfices. Elle fructifia beaucoup. Ikhtarat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam li ya'mala fi tijaratiha lima urifa anhu qabla al-nubuwati min amanatin wa sidqin. Ou razanatin. Ah non, c'est razana, c'est pas razana. C'est bien fatha. Donc elle dit qu'elle a choisi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il travaille pour l'embaucher en fait dans son commerce. Comme il fut connu de lui avant la prophétie comme confiance. Fiabilité, on va dire, hein, véracité, c'est Warazana, sérieux, était sérieux. Walam yu'raf anhu abathu asbiyan wala lahu ashubban. Et qui n'a pas été connu de lui la frivolité des enfants, ni l'amusement des jeunes. Il était sérieux, quoi. Ra'at fi hulmiha annaha satatazawaj nabiyan. Qu'elle vit en rêve qu'elle s'est mariée avec un prophète. Wa qad saddaqat. Quand sur la côte Eruya, et qui s'est avéré que ce rêve, cette vision se réalisa. Alors elle fut réelle. Ikhtarat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam zawjan laha. Donc elle a choisi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme mari. Ma'ana al-kathirin min zu'ama Quraysh wa siriyaiha taqaddamu al-zawaj minha walakinaha faddaratuhu alayhim jami'an. Malgré que beaucoup des chefs de Quraysh ainsi que des hommes riches s'avancèrent pour se marier avec elle, cependant, elle a préféré sur eux tous le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى التي صدقته. Et lorsque la révélation descendit sur le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle fut la première à le croire. وقد قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم ما معناه. Et que le messager صلى الله عليه وسلم nous dit un jour, parlons ce sens, إن عهد النوم وراحة قد انتهى فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأدعوهم إلى الله وإلى عبادته فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب. Donc il dit, dans le sens que Jibril lui a dit, certes, le temps du sommeil et du repos est terminé. Une phrase est lourde, hein. Il faut dire ce qui est. Quand on dit ça, c'est lourd après. Hein? Elle est lourde dans la phrase. Hein. C'est fini maintenant, plus de repos. Tu vois? Que du jihad. Puis koulim dans tous ses sens. Car Jibril m'a cette ordonné d'avertir les gens et de les appeler à Allah et à son adoration. Al-inzar mahu wa li'alan bil khawf bil takhwif. Al-inzar, c'est le fait qu'on dit wa anzir al-nas, c'est annonce-leur la chose en leur faisant peur. Al-asr wa tabshir, le fait que tu dis bashirhu bihada, c'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle à la base, mais il peut être employé aussi. Ah ouais, wa bashirhum bi'adhab alim. Et non seulement un châtiment douloureux. Mais à la base, ça vient du mot bishir. Et bishir, ça veut dire la joie, en quelque sorte. Mais tu peux l'employer aussi dans le sens de l'enzar. Donc il dit, alors qui donc appeler, qui donc va répondre? Vous voyez? فهتفت. Qui donc va appeler, qui donc va répondre? Non, qui donc va répondre à l'appel? Non, qui donc appeler? Qui donc appeler à qui faire darwa et qui donc va répondre? فهتفت في اللحفة وإيمان. Donc elle a dit, en parlant s'exclamant, avec tristesse et foi, en même temps que la foi. Anastajibu ya Muhammadu, fad'uni qabl an tad'uwa ay insanin, wa anni musaddiqatun risalatak, mu'minatun bi rabbik. Donc il dit, appelle-moi, moi je réponds au Muhammad. Vous voyez, moi je réponds à l'appel au Muhammad. Alors appelle-moi avant que tu n'appelles quelqu'un d'autre avant moi. Allez, appelle-moi avant d'appeler quelque autre personne avant moi, quelque sorte. Et moi, je crois en ton message. D'accord? Et je crois en ton Seigneur. وقفت سيدة خديجة زوجة المحبة المؤمنة إلى جانب زوجها صلى الله عليه وسلم تشجعه وتنصره وتعينه على احتمال الأذى. Donc il dit que elle s'est tenue auprès, Khadija s'est tenue auprès, yani Khadija, la femme Tayyib, qui aimait et qui était croyante, s'est tenue debout aux côtés de son mari, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'encourager. Tushajjiu, tajjia, c'est le fait d'encourager. Wa tansuruhu, pour le secourir. وتعينه على احتمال الأذى et pour l'aider à supporter les dommages, difficultés. Une femme quoi. Cette femme. Hein? Cette femme. La femme. Allah n'a pas choisi n'importe qui pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam. S'il a choisi le meilleur des hommes pour l'accompagner, s'il a choisi le meilleur des femmes pour le soutenir. Ah, si, y a pas photo. لم تتردد في الخروج مع زوجها لحظة ولم تختلف خطوة واحدة. Elle n'a pas hésité pour sortir avec lui un instant. D'accord? Elle ne s'est jamais opposée à lui, ne serait-ce que sur un seul pas. Tout ce qu'il a fait, elle a suivi. بل انطلقت معه أينما أقام. Et qu'elle a suivi partout, elle est partie partout avec lui, où qu'il aille. وظلت ساهرة طوال حياتها تذلله بحنانها. Et qu'elle, on va dire, elle était constamment éveillée avec lui le long de sa vie pour le recouvrir de sa tendresse, son affection. وتشمله بعطفها. Et pour le recouvrir également de ça, pareil, d'un عطف. عطف وحنانة بمعنى يعني متقارب تتمغف بعيد هدوسها تجاهد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا إلى أن أسلمت الروح et qu'elle s'est efforcée en cela autant qu'elle pouvait, hein, jusqu'à ce qu'elle rendit l'âme jusqu'à sa mort رضي الله عنها بين يدي الرجل الذي أحبته منذ اليوم الأول الذي لقيته فيه. C'est-à-dire, elle est morte auprès de l'homme qu'elle aimait depuis le premier jour qu'elle a rencontré. والذي صدقته. Et celui qu'elle a cru. وأمنت به. Quand on dit صدقت, c'est le fait de rendre véridique ce que tu dis. وأمن, c'est le fait d'avoir la foi dans ce que tu dis. Mais en français, on ne dira pas, il croit. Quand je dis au sort de coq, c'est je te crois. Quand même. Mundu Samiat Risalata. Bi Risalati, en fait. Donc elle a cru en lui depuis qu'elle a entendu son message. Sallallahu alayhi wa sallam. Wal farq, dhukira al farq. Al farq bina Khadijata wa Aisha. أن خديجة فضلها في النصر والتأييد que le mérite de Khadija était dans le fait qu'elle était la première à l'avoir cru et à le soutenir dans la difficulté. عائشة فضلها نشر العلم من بعده. Le mérite de Aïcha, c'est tout ce qu'elle a propagé après lui comme science. Elle s'est mariée avec elle jeune, elle est intelligente également. Elle n'a pas eu d'enfant, c'est-à-dire elle était à même de se consacrer à la science complètement. Une kibar sahaba, elle est parmi les grands sahaba, taban, ou une mustakthirin, parmi ceux qui ont rapporté beaucoup d'ahadith. Radiallahu anha. Aimt? Ada le fork bainahum. Naam. Allez. Quand je regarde, est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on s'arrête là? Moi j'ai pas juste fait la. Ce texte-là, Inch'Allah, pour rajouter les kalimètes. وغدا بإذن الله نخوض التدريبات. نعم، في سؤال؟ طيب، c'est sûr qu'on aimerait, tous les hommes aimeraient avoir des femmes aussi avenantes avec leur mari, tout comme les femmes aimeraient avoir des maris, tu vois, aussi avenants envers elles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un droit que chacun réclame. C'est un droit que chacun réclame. Il n'y a pas photo. Non. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. مع تحية دمام أفاف.com